بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في الوحدة الأولى في الدرس الأول في الجزء الثاني منه. الأنسى أسألكما عن الكلمات، ما معنى الملحق التعليمي عندك؟ يكرر تقريرا، ما معنى كرر؟ طيب السفاره قابل يقابل مقابله حصل يحصل حصولا. إذا زدنا حرف جر على، ما معنى حصل على؟ وزارة الداخلية. وزارة الداخلية سي المينيستر دو لانتيريور، مينيستر دو لانتيريور. طيب الآن سنجيب عن الأسئلة. أولا، هل تسلم محمود تذاكر السفر؟ نعم تسلمه. نعم. ثانيا، إلى أين يسافر محمود؟ إلى المملكة العربية السعودية. المملكة. إلى المملكة. نعم. المملكة إلى المملكة العربية السعودية. نعم. ثالثا، هل تسلم رشيد تذاكر السفر؟ لا، لم يتسلم. طيب. رابعا، من أين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ لم يتسلم. من أين؟ لا أفهم هذا السؤال. من، ما معنى من أين؟ دو. طيب، من أين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ في أي مكان؟ ما وجدت. عندك؟ رشيد تسلم من مكتب ملحق التعليمي السعودي. نعم، هذا المكتب. قرر رشيد الذهاب إلى المكتب الملحق التعليمي السعودي لاستلام تذكرة. هذا هو الجواب هنا. طيب، خامسا، هل قرر رشيد الذهاب إلى المكتب الملحق؟ طيب. سادسا، من أين حصل محمود على تأشيرة الدخول؟ حصل عليها من السفارة. نعم. سابعا، من أين حصل محمود على تأشيرة الخروج؟ من وزارة داخلية. طيب. داخلية. طيب، ثالثا، أجيب عن الأسئلة الآتية. réponds aux questions suivantes. عندك، ما اسمك؟ عبد الرحمن. طيب، أين تدرس؟ أدرس في دمج. ما جنسيتك؟ جنسيتي فرنسية. أيوة، فرنسية. أين تسكن؟ أيوة. أسكن في دمج. كيف قمت باستخراج تأشيرة الدخول؟ تأشيرة. اتصلت بالسفارة. أجابوني بالرفض

وَوَجَعَلَ بْنَ قُسَيْنِ entre parenthèses, يُلْزِمُكَ, il faut que tu fasses. Tu dois faire ça. وَمَعْنَا يَنْبَغِي أَنْ تَفَعَلْ كَذَا وَكَذَا. عَلَيْكَ بِكَذَا, il faut que tu fasses ça. عَلَيْكَ بِكَذَا, il faut que tu fasses ça. طيب الدراجات السياحية الدرجة là, ce qui est voulu c'est la classe dans l'avion. À la base c'est un degré, ça peut être aussi une marche. Là ce qu'ils veulent eux c'est la classe. السياحية touristique. طيب سياحية هنا touristique. Et nous on, ils appellent ça la, la classe éco, c'est ça? Ça qui est pas cher. زيارة طيب زيارة فلكتبو c'est un مصدر. هذا مصدر فيه زار يزور مصدر زيارة طيب زيارة هذا مصدر زار يزور زيارة visiter. Voyez, bimana, visiter. Thumma yakul ikolaa. Kazalik ikolaa, adam masdar. Adam masdar. Al-Ahsan, Al-Ahsan. أن تكتب بعض الدرس هكذا لو إذا كتبته وأنا أتكلم تسمعني ثم تقول آه ما فهمت معناه كلا هكذا اسمع أنا أترك السبورة ثم تكتب المياسة تكتب أبقى إن شاء الله طيب كم ستكتب سكش دي سوف تشابه نعم ثم إقلاع طيب وعفاً الله كم سبال بيات سي أقلع يقلع المصدر سي إقلاعا ça ça veut dire quoi décoller طيب إقلاع الطائرة c'est décollage de l'avion. Je connais pas qu'un avion qui éclaire le tailleur, mais je n'ai pas entendu ça. Non, c'est peut-être pour d'autres choses, mais l'oiseau, je sais pas. Même en français, on ne dit pas l'oiseau décolle, on dit s'envole. Non, tailleur. Faut bien cool. Akkada. You abkidou. Et il a mis le mazdar plus loin, ils ont, c'est complètement désordonné. Ça c'est Akkada. Akkada. Yu'akkidu. Ta'kidan. طيب ça c'est confirmé. طيب أكد يؤكد تأكيدا ça veut dire confirmer appuyer les choses. Là ce qu'ils veulent c'est confirmer une confirmation du vol. طيب et après أكد il nous met le fil أقلع alors qu'il aurait dû le mettre après avant إقلاع. Et pareillement après يقلع il nous met le مصدر de أكد désordonné. طيب الحجز ولا جاب كل حجز ما معنى الحجز داود حجز ايوه احسنت مطار لايروبور طيب مطار لايروبور ساعه سي اون هور اي سا بوت اوسي مونتر. Vous voyez, ça, ça peut être aussi une montre. Mais eux, ce qu'ils veulent là, c'est l'heure. نوم. طيب نوم سير السمي. وصول سي لاغيفي. دخل يدخلوا معروف. ادخل سي في الامر سي امبيراتيف في رونتري. قبل ça veut dire avant. Aïe, Mata, ça veut dire quand. Hunaka, ça veut dire là-bas. Vous voyez, Hunaka, ça veut dire là-bas. Taïeb. Natrouk el Taraki, bel Nahouya, wa Sarfiya, ça va venir après, Inch'Allah. Elle est ibarat, les expressions. Dans le texte, on va trouver l'expression qui veut dire ala el akal, ce qui veut dire au minimum. Ala el akal. Vous avez pris les asma tafdil déjà? Kabir, akbar, sagir, ashar, salir, asra. Vous avez déjà pris les asma tafdil? T'as déjà pris toi? Pas tous, je crois. Non, mais t'as appris comment on les fait. Alors, comme on dit, Zayd est plus grand que. Ah non, je sais. Moi, je dis Zayd akbar. C'est ça? C'est ça, c'est Tawdil, Akbar. Ça vient de Kabir. Enfin, Akol, c'est une Qalil. Akol, c'est le ism Tawdil de Qalil. T'as vu? Au minimum. Fouma dit Rafaqatka al-Salama. Que la paix t'accompagne. Ça, c'est parmi les ribara muntakada. Tu vois. Bah, à la base, il y a doa, quoi. Pour Moussa Afira, tu n'oublies pas ça, quoi. Tu vois. Un doa, c'est astaudi'u qu'Allah. Elle a dit le di'u wa da'i'u. Tu vois, tu dis pas rafa'atka al-salama. Voilà, quoi. Maintenant, peut-être, un mouazef dit ça à un kafir, peut-être, mais entre muslimines, tu vois. Enfin, un doa entre nous, tu sais bien. Ça, c'est ce qu'elle aime là, tu vois, c'est un truc, voilà quoi. Ma fille Feïda. Al-Aqal, et au maximum, tu veux dire Al-Aqsar. Al-Aqsar. Non. Comment je dis au maximum Al-Aqsar. Tu prends le ism tawdil de Kathir, tu dis Aqsar. Mais pour. L'imaza Qalil, on dit Aqal. Et les autres, on dit Omen Sukun, Akbar. Parce que Khalil, tu vas prendre dans le sauf là. Khalil, il a deux lettres qui sont pareilles. Il a deux lèmes. Donc là, on a rentré un lème dans un autre. C'est pour ça qu'il y a une chedda. Akhalil. Akbar, il y a trois lettres différentes. Donc tu peux toutes les mettre. Mais celle-là, il a deux lettres pareilles. Donc on a rentré l'une dans l'autre. À la base, ça aurait été Akhalala. Mais ça se dit pas. Donc on a rentré les deux lèmes ensemble, on fait Akhalil. Ça, tu vas l'apprendre, Inch'Allah, dans le sauf, quand est-ce qu'on fait un idrom, quand est-ce qu'on rentre un harf dans un autre harf, ainsi de suite, quand est-ce qu'un harf il change et devient une autre lettre, c'est quoi son origine. Ça, c'est dans le sauf, Inch'Allah, un moustawa plus haut. Toi, pour l'instant, apprends le mot. T'as vu, ça a compris, akol, alhamdulillah. Après, le pourquoi il est venu comme ça, ça va apprendre, Inch'Allah. Non. Sinon, tu vas. Ça va être dur. Ça va être compliqué la tâche. طيب الان سندخل في الحوار وعندنا كونفرساسيون انت تستكرم محمودا وانت الموظف طيب اي كل واحد يحاول ترجيب الجمله chacun d'entre vous essaie de traduire la phrase si peut اي نعم تحل la phrase essaie de traduire ان شاء الله si tu n'arrives pas ان شاء الله نساعدك تريد ان احجز لرياض نعم. Donc انظر ديجا je pense que c'est tous des مسلمون y a pas salam y a pas salam عليكم ورحمة الله وبركاته direct il arrive au lieu d'archiza les riad le nashr salam il fait salam c'est parmi les aspects de la mahabba entre les gens donc là t'étonnes pas que les gens ils sont tous de leur côté aigris les uns les autres ils font même pas le salam طيب. Et c'est un bi, ou l'idoun en arjiza les riad, quand un, il rentre dans un verbe, Le verbe qui est après, il va prendre une fatha. Il va être mansoub. À la base. Il y a d'autres choses, mais la base, c'est qu'il prend une fatha. Pourquoi là, il y a N ? Ah, c'est quand tu fais une liaison entre deux verbes. Tu mets N. C'est obligatoire. C'est obligé, ça. C'est ce qu'il faut faire, à la base. Par exemple, tu dis, je veux aller quelque part, ou Ridou N, Adhaba, ou Naka. Tu dis, et pour quand en français, nous, des fois, il y a deux verbes conjugués. Il y en a, par exemple, non, là, je dis n'importe quoi. Fel. Fafemta N, Mouna ? Non. Allez. هناك رحلة يوم السبت. نعم. Là-bas. En fait, dire là-bas, mais là, lui veut dire actuellement. Elle veut dire actuellement. هناك là-bas, ça veut dire هناك là-bas. Mais lui, dans le sens qu'on dit هناك كذا وكذا, il y a actuellement telle chose présente. On traduit par actuellement. Il y a une ambassade. Il y a une ambassade. Hein? رحلة. رحلة. T'as dit, c'est le même sens que l'ambassade, non ? Là. Safar, j'ai pas dit sifar. Ah. Un voyage. Il y a un... Hein? Mais oui, vous voulez dire quoi là maintenant ? Un vol. Il y a un vol. Mais à la base, c'est un voyage. Ah. Il y a un vol. Allez, moi. De sommeil. Quoi? Non, Yumaset. Yumaset. Ah, le jour de samedi. Allez, moi. Il y a un vol pour samedi. Non. L'ihra ça veut dire safar à la base, mais il veut dire quoi? Un vol. Voyez. Mahmoud. Jamil, Jamil. Irjiz li makan. Très bien. Réservez-moi une place. Non. Un mouazzaf. Abi darajatil oula amis siyahiyati. Dans la jeune, ça veut dire quoi la classe? Ali, je ne comprends pas. Elle Alif? Alif, non, est-ce que. En fait, c'est une question qu'elle va te poser. Ouais, est-ce que le. Est-ce qu'il y a une. Ça se traduirait par. En première classe ou en classe touristique? C'est ça qu'il demande en fait. Eh, Bidaraj est-il où là? Est-ce en première classe? Voyez, M, Siyahia ou en touristique, en classe touristique. C'est ça que lui demande. Mahmoud. La classe économique. Non. Al Mouazzaf. Hassanan, alayka al Touak. توكيد الحجز توكيد الحجز قبل السفر بيوم حسنا on dit très bien par très bien très bien non très bien ça veut dire quoi عليك عليك il faut que alors Hassan il faut que tu توكيد il faut que tu ça veut dire confirmer. Il faut que tu confirmes la réservation avant Safari Biyaoun. Avant le. D'un jour avant le voyage. Un jour avant. Ah ouais. Safari, c'est. Le voyage, le départ. Ah ouais. C'est-à-dire que tu confirmes la réservation au moins un jour avant le voyage. Non. Quand on a décollé l'avion. Non. Fil Ashara Sabahan. Sabahan. La Ashara, c'est la dixième qui veut dire la dixième heure, qui veut dire à 10h. Ça veut dire à 10h. Sabahan, du matin. Non. À 10h du matin. Et quand est-ce que je dois me présenter à l'aéroport? Qu'est-ce que je dois Ahdourou, on a l'air. Aïwa, Hadara, Yahdourou. Te présenter, le présent, venir. Dans un autre texte avant, prenons celui-là. Ah ouais. Laisse tomber.